Bien le bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes à l'antenne de C'est fou, l'FM 89.1 à Trois-Rivières et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, je vous propose Alex Carpani d'Italie, Ritual de la Suède, Magician's Red de Finlande, Crocophant de Norvège, Elephant Nine de Norvège. On aura aussi de Fusion Syndicate, ça c'est une formation multinationale. Et on va terminer avec Ecoline des États-Unis et Attila d'Espagne. Alors, je vous reviens pour une deuxième semaine consécutive avec des extraits du nouvel album d'Alex Carpani d'Italie. Je rappelle qu'il s'agit d'un album double paru en décembre et qui s'intitule The Good Man. J'en ai tiré 5 extraits. Et ça sera suivi de 2 chansons du nouvel album du groupe Ritual de la Suède. Le titre de l'album, c'est The Story of Mr. Bogd, Part 1. Je rappelle que c'est leur 5e album depuis leur début en 1995. Alors on débute ça tout de suite avec Alex Carpani d'Italie. Thank you. parlarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio... Se mi sbaglio mi corrigerete. fog that's disappeared. Now did you hear? The police investigates, authorities are dazed. That scene in his town, the state is stopped because he left in haste. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour débuter le deuxième segment de l'émission d'aujourd'hui, j'ai décidé de le consacrer au groupe finlandais Magicians Red. D'une part, parce qu'ils nous ont offert un nouvel album récemment, et d'autre part, parce que j'ai découvert tardivement leur premier opus sorti il y a 2 ans. Donc, ils ont 2 albums et on va les entendre les deux. En débutant avec Endless Yearning, ça c'est paru en 2024. Et ensuite, on aura 2 chansons tirées de l'album Threshold, paru en 2022. Alors, de la Finlande, voici Magicians Red. Instructions of a borderline incomprehensible. nothing that drives him mad like crying children. You can't escape, so you've got to hold it in. That's how you survive. But what we got instead was Mr. Hudson. Look out! He's gonna make you pay for acting like the child you are. When it's 2 o'clock and I can't get out of bed, you taught me to overanalyze every little thing I do, out of fear that it could somehow bring me shame. You took away my childhood. took away my health. For all I care, you can enjoy the rest of your days in peace. But may we never meet again. I'm still alive. Nobody inside the light, but here's a classified. Must be the unknown zone. There is no drop by. sweet ammonia. Breathing chemicals not good for us. Feel the carcinoma. Silicon shape, show me where you are. Tickets, there's no guarantee. Shaking up the rust, but in the dust I am carefree. Hell of fourth dimension, getting bored with three. Bathe the way in methane, alkane lanes fuel my formula. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, pour ce troisième bloc de l'émission, j'ai décidé d'aller vers un genre de prog que j'ai pas l'habitude de diffuser. Et c'est le jazz fusion. C'est un genre que j'ai apprivoisé avec les années, surtout au début des années 70, grâce à John McLaughlin et son Mahavishnu Orchestra. Ce genre-là continue à se perpétuer grâce à des artistes comme Tony Levin et Antoine Fafard du Québec. Puis j'ai aujourd'hui trois artistes que je veux vous faire entendre. Et on va débuter par Crocophant de Norvège. On aura ensuite Elephant Nine, aussi de Norvège, et la formation multinationale de Fusion Syndicate. Ce groupe-là, il est plutôt un collectif de musiciens. En fait, il y a 29 musiciens chevronnés, et j'ai inclus là-dedans Johnny Goodman, qu'on a connu avec The Flock. On a bien entendu Rick Wakeman aussi du groupe Yes. On a Gavin Harrison de Porcupine Tree, entre autres. Et aussi Steve Village, qu'on a connu avec Gong, et Jordan Rudess de Dream Theater. Mais on débute avec Crocophant. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici donc rendus au dernier et quatrième segment. Nous voici donc rendus au quatrième et dernier segment de l'émission d'aujourd'hui. Et on va commencer avec un groupe qui a été très populaire dans les années 90 jusqu'à 2015, en fait. Et c'est un groupe qui nous revient après 10 années d'absence. Il s'agit du groupe américain Ecolin, qui nous offre un 10e album en carrière. Et l'album s'intitule Time Silent Radio 8. Cet album-là comprend 2 CD pour un total de 9 chansons pour une durée très généreuse de 91 minutes. Je vous propose la pièce Time Has No Place qui dure 16 minutes. Et ça sera suivi de l'album du groupe espagnol Attila et l'album s'intitule Encarnacio. Mais on débute ça avec Ecolin. in a boiling sea, with pieces of you and me left there.